Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Lady Reverend Grace Irene. Enseigne-moi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Let's pray. Prions. Father, we bless you and we thank you for this time in your presence. We pray for a grace to survive in this wicked and terrible world. We pray, O God, that you lead us by your Spirit and cause us to walk by green pastures. Father, strengthen us, refresh us, renew our strength, O God, this evening through your word. And may your name be glorified in Jesus' name. Amen. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Hallelujah. It's hot, eh? Wow. All right. We thank God for His presence. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. We thank God that He's here with us. Nous le remercions pour le fait qu'il soit ici. And we pray that His word will give us what we need. Et nous prions que sa parole nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. So, we are still continuing. Amen. Amen. What are we continuing? Walking worthy. Nous continuons sur comment marcher d'une manière digne. All right. Point number one. Can we recap? What is the first point? Est-ce qu'on peut to faire walk un récapitulatif? Worthy. We talked about walking worthy. We said that we have to, walking worthy means that you are walking in a manner that shows your value, isn't it? Nous avons dit que marcher d'une manière digne, c'est marcher d'une manière qui montre votre valeur. And the value that God has put on your life. Et la valeur que Dieu a mise sur votre vie. Hallelujah. Hallelujah. So our walk with God is a walk that reflects who we are. Notre marche avec Dieu, c'est une marche qui reflète qui nous sommes. And how God sees us. Et comment Dieu nous voit. Amen. Amen. Can you honestly say that your walk with God reflects how God sees you? Est-ce que vous pouvez dire honnêtement que votre marche avec Dieu reflète la manière à laquelle il vous voit? Is your walk with God of the same value as the value God places on you? Est-ce que votre marche avec Dieu a la même valeur que celle qu'il met sur vous? It's a question. C'est une question. What is the answer? Quelle est la réponse? Hey, Che, you mind me, eh? If you know how tired I am today, you can easily close and go home. It's also an idea. Okay, point number one. To walk worthy, you must be humble. Point numéro okay? 1, pour marcher d'une manière digne, Ephesians 4, verses 1 and 2. Ephesians 4, verses 1 and 2. To walk worthy, you must first of all be humble. If you are proud, you cannot please God. Si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. And if you are proud, you cannot reflect the value God has put on you. Et si tu es orgueilleux, tu ne peux pas refléter la valeur que Dieu a mise sur toi. You may have a value that is too high. Tu peux avoir une valeur qui est trop grande. The Bible says that you must not think of yourself more highly than you should. Tu ne dois pas avoir une trop grande opinion de toi que tu devrais. You must avoir. Be realistic about who you are. Tu dois être réaliste en fonction de ce que tu Amen. Es. Amen. You are not better than your neighbor. Tu n'es pas meilleur que ton voisin. Look at your neighbor and say, sister, I am not better than you. Regarde ton voisin et dis, ma sœur, je ne suis pas meilleur que toi. Okay? So forgive me if I've given the impression. Alors pardonne-moi si j'ai donné cette impression. That I think I'm better than you. De que je pensais être meilleur que toi. Number two, to walk worthy, you must be gentle. Numéro 2, pour marcher de manière digne, nous devons être doux. You must walk worthy in a manner with gentleness. Gentleness. Nous devons marcher avec douceur. Okay, don't be too rough. Ne sois pas trop dur. Some of you ladies, you are like men. Certaines d'entre vous, les femmes, vous êtes comme des hommes. You have to learn how to be gentle. Vous devez apprendre à être douce. In your voice, in your speech, in your actions. dans votre langage et vos actions. Some of you, when the men see you carrying a bucket of water, they are afraid to help you. Certains d'entre vous, quand les hommes vous voient soulever des seaux d'eau, ils ont peur de vous aider. You look so hard. Vous semblez tellement dur. Learn to be gentle. Vous devez apprendre à être douce. Third, if you want to walk worthy, you need patience. Point numéro 3, si vous voulez marcher d'une manière digne, vous avez besoin de patience. Softly. Allez doucement. Prendre votre temps. Amen. Amen. Take your time. Prenez votre temps. With your brethren, take your time. Prenez votre temps avec vos frères. With people who are not coming up along at your speed, take your time. Avec des personnes qui ne vont pas à la même vitesse que toi, prends ton temps. Amen. When you rush too much, you have an accident. Quand tu te presses trop, tu peux avoir un accident. Isn't it? N'est-ce pas? Number four, to walk worthy. This is just I'm just recapping, huh? So if you think I'm going too fast, it means you didn't read your notes. Number four, to walk worthy, you must be tolerant. Point numéro 4, marcher d'une manière digne, tu dois être tolérant. Showing tolerance of each other. Être tolérant les uns envers les autres. Patience goes hand in hand with tolerance. La patience marche main dans la main avec la tolérance. Amen. Amen. If we were more tolerant of each other, there would be less conflict. Si nous étions plus tolérants les uns avec les autres, il y aurait moins de conflits. Yeah. If I make a mistake, because of your tolerance, you will just accept and forgive me. Si je commets une erreur à cause de ta tolérance, tu vas juste m'accepter. Do you see? So tolerance would help us in our walk with God. La tolérance va nous aider dans notre marche avec Dieu. Learn to tolerate people. Apprenez à être tolérant envers les gens. Some of you, you don't tolerate anybody in your space. Certains this is my space. Vous ne permettez à personne de rentrer dans votre espace. This is my space. Ça, c'est mon espace. Some of you, when somebody sits down and is too close to you, you start feeling uneasy. Certains d'entre vous, quand quelqu'un s'assoit près de vous et que la personne est trop proche, vous commencez à vous sentir mal à l'aise. When you sit down, you sit down in a way that nobody can squash you like this. Vous vous asseyez d'une manière à ce que personne ne puisse vous serrer. Hallelujah. But you must tolerate others. Nous devons être tolérants envers les autres. Hallelujah. If you want to walk worthy, you must aim to stay united. Si nous voulons apprendre à marcher de manière digne, nous devons apprendre à être unis. To preserve the unity. Préserver l'unité. Do everything you can to preserve the unity. Verse 3. Faites tout ce qu'il faut pour préserver l'unité. Amen. Amen. When you see your brethren quarreling, try and make peace. Quand tu vois tes frères en train de se quereller, essaie de mettre la paix. When you see somebody is unhappy, try and pacify the person. Quand tu vois que quelqu'un n'est pas content, essaie de calmer la personne. Let us be united. Soyons unis. Let us be united. Soyons unis. If we amongst ourselves we are fighting, how do we stand strong? Si nous luttons entre nous, comment est-ce que nous serons forts? Amen. Amen. You are in a ministry, you are quarreling. 10 people, you are half the 10 are not talking to the other half. How will the ministry work? Vous êtes dans un ministère et vous ne vous parlez pas les uns les autres. La moitié ne parle pas à l'autre moitié. Comment est-ce que ça va marcher? Small church of 200 people. Half the people are not talking to the other half. How will the church stand? Une petite église de 200 personnes, une moitié ne parle pas à l'autre. Comment est-ce que l'église va survivre? Walk in a manner worthy to preserve the unity. Marchons d'une manière digne à préserver l'unité de l'église. Amen. Amen. No divisions. Pas de division. Not the Gabonese on one side or the Congolese on the other side. Les Gabonais d'un côté, les Congolais de l'autre. Or the Congolese from Kinshasa separate from the Congolese from Brazzaville. Les Congolais de Kinshasa séparés des Congolais de Brazzaville. The Ivorians are not walking with the Togolese. Les Ivoiriens ne marchent pas avec les Togolais. The Beninois are quarreling with the Burkinabe. Les Béninois se querellent avec les Burkinabés. How will the church of God stand? Comment est-ce que l'église de Dieu va survivre? How? Comment? Say, I don't mind him. He's from Ivory Coast. That's how they are. Tu dis, on ne t'occupe pas de lui. Il est ivoirien. C'est comme ça qu'ils sont. All your friends are from Congo. Tous tes amis sont du Congo. All your friends are from Togo. Tous tes amis sont togolais. Amen. Amen. Walk in a manner that's worthy. Marche so as d'une to preserve digne, the unity. Afin de préserver l'unité. Amen. Amen. The unity is key to our survival. Hey, my friend. L'unité est la clé de notre survie. Hallelujah. Hallelujah. The unity is key to our survival. L'unité est un point clé pour notre survie. Amen. Amen. We need to fight to preserve that unity. Nous devons combattre pour conserver l'unité. Don't encourage little groups, political groups in the church. N'encouragez pas les petits groupes politiques dans l'église. When I talk about politics, you know political groups? Est-ce que vous connaissez les groupes politiques? NPP versus NDC. NPP contre NDC. PPP and DDP. PPP et DDP. Yeah. It means that if I am in CPP with Raisa, I cannot talk to you because you are in PPP with Christian. Si je suis à PPP avec Raisa, je ne peux pas te parler parce que tu es à DPP avec Christian. And if a new person comes and makes the mistake of talking to PPP, see, who are they? PPP first. Then the person can never come and talk to us who are in, what are we? CPP. Si quelqu'un vient et que la personne vient vous parler, vous qui êtes à PPP, la personne ne peut pas venir nous parler, nous qui sommes à CPP. We don't even know where we are. Yeah, but it's funny, but that's how it is in the church. C'est drôle, mais ça se passe dans l'église. You have little groups. Il y a des petits these groupes. Are my friends. Ceux-ci sont mes amis. This is my, this, these people are not my friends. Ceux-ci ne sont pas mes amis. So if you talk to those people, you can't come and talk to us. Si tu parles à ces personnes, tu ne peux pas venir nous parler. Those things, we stop doing it in CP1. Nous avons arrêté de faire ça au CP1. Hallelujah. Hallelujah. So let's walk in a way that can preserve our unity. Marchons d'une manière qui peut conserver notre unité. We are all brothers and sisters. Nous sommes tous frères et sœurs. And the blood of Jesus Christ should be stronger in you than the blood of your country. Et le sang de Jésus-Christ devrait être plus fort en toi que le sang de ton pays. Amen. Amen. What has your country done for you? Qu'est-ce que ton pays a fait pour toi? What has Jesus Christ done for you? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Yeah, so the blood of Jesus Christ that is running in my veins should be more important to you, Raisa, than the blood of who is from your country. You don't know where you are from, eh? Where are you from? Are you from Cameroon or from Gabon? Okay, I'm from. See, she doesn't know where she's from. It's because I now have a national, so it's like it's mixed. You up. Still don't know where you are from. You see, so my blood should be stronger. You and I should be more connected than you are connected to Luce because of her nationality. Or who is from Cameroon? Patricia. Patricia. Do you understand? Yes. Yeah. Okay. Tell them. Le sang de Jésus devrait être plus fort en moi que le sang qui me lie à Patricia ou à Luce. Amen. Amen. No, not just, they are also Christians, but I'm saying because, don't be closer to them because of their nationality. Je ne devrais pas être plus proche d'eux à cause de leur nationalité. Amen. Amen. But because of the blood. Mais à cause du sang. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's go on. To walk in a manner worthy, you must ensure peace. Afin de marcher d'une manière digne, nous devons preserve the bond of peace. Garder le lien de la paix. Amen. Amen. Amen. When you see brethren quarreling, don't get into the quarrel. Look for peace. Find a way to make peace. Find a way that they will all walk in peace. Amen. Quand vous voyez des frères qui se querellent, essayez de trouver un moyen de mettre la paix. Bible says, blessed are those the peacemakers. La Bible dit, béni soient ceux qui recherchent la paix. Amen. Amen. Heureux, heureux ceux qui procurent la paix. Amen. Amen. Yeah. There's a blessing that comes when you look for peace. Il y a une bénédiction qui vient quand tu recherches la paix. The Bible says, as far as it is possible, seek for peace with all men. La Bible dit autant que ça dépend de toi, recherche la paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Peace. La paix. Hallelujah. Hallelujah. The next one. Le point suivant. If you want to walk worthy, you must walk in a way that will please God. Si tu veux marcher d'une manière digne, tu dois marcher d'une manière agréable à Dieu. Every week you're writing on the same points. Every week you're writing on the same points. Chaque semaine nous écrivons, vous écrivez les mêmes points. I'm not saying anything new. Je n'ai rien dit de nouveau. I'm not saying anything new. I'm just saying what I said the past 2 weeks. Justement, you must please God. Nous devons être agréables à Dieu. Sometimes it's better to listen than to write. Parfois, il est mieux d'écouter que d'écrire. Because you are writing, but you are not listening. Parce que vous pouvez être en train d'écrire sans écouter. Hallelujah. Hallelujah. In a manner that pleases God. Une manière agréable à Dieu. He is the most important person. C'est la personne la plus importante. Amen. He's the one that matters. He's the one who counts. C'est lui qui compte. Amen. It's not lady pastor. Ce n'est pas lady pastor. It's not the shepherd. Ce ne sont pas les bergers. C'est Dieu. Amen. Amen. So it doesn't matter if lady pastor has seen or has not seen. Peu importe si lady pastor a vu. It matters if God has seen. Ce qui importe, c'est le fait que Dieu ait vu. And God has seen. Et Dieu voit. Amen. Amen. So that is the person who you must want to please. Et lui, il est la personne à qui vous devez faire plaisir. Hallelujah. Hallelujah. The next point is that you must be fruitful. Le point suivant, c'est que nous devons porter du fruit. Hallelujah. Hallelujah. Bible says it's by your fruits that you be known. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. So if you have no fruits, we cannot know who you are. Alors si vous n'avez pas de fruits, nous ne saurons pas qui vous êtes. Yeah, you cannot tell me, oh, lady pastor, I'm a Christian. I've been a Christian for years. Je peux pas dire, oh, lady pastor, je suis chrétien. J'ai été chrétien depuis plusieurs années. And I don't see any fruits. Et je ne vois aucun fruit. The fruits of the spirit. Les fruits de l'esprit. Are not present in your life. Ne sont pas présents dans ta vie. So how can I know you are a Christian? Alors comment saurais-je que tu es chrétien? It's by your fruits. C'est par tes fruits. Hallelujah. Hallelujah. Where did we stop? Où est-ce que nous nous sommes arrêtés? All right, the next one we said to walk in a manner worthy. This is in Colossians 1 verse 10. Is that we must increase in the knowledge of God. We must increase in our knowledge of God. Le point suivant dit que nous devons croître dans notre connaissance de Dieu. If you want to walk worthy, si nous voulons marcher de manière your digne, knowledge of God must increase. Votre connaissance de Dieu doit croître. What you know about God should not just be for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. That's all you know about God. Votre connaissance de Dieu ne doit pas être car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. You should also know that God is love. Vous devez aussi connaître que Dieu est amour. You should also know that God is the judge. Vous devez aussi connaître que Dieu est un juge. You should also know that God hates the proud. Vous devez aussi connaître que Dieu a horreur des orgueilleux. Amen. Amen. You should know so many different things about the aspects of God. Vous devez connaître plusieurs choses concernant les aspects de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. For yourself. Pour vous-même. Amen. Amen. So that nobody can come and deceive you. Afin que personne ne vienne vous tromper. Amen. So many of us are walking around, we don't know why we believe what we believe. Plusieurs d'entre nous nous promenons dans les parages mais nous ne savons pas pourquoi nous croyons en ce en quoi nous croyons. So when somebody comes and says something, you are confused. Si quelqu'un vient dire quelque chose, vous êtes confus. Somebody comes and says that, oh no, you can't really worship without your head covered, for example. You must wear a scarf. Quelqu'un vient vous dire, tu ne peux pas vraiment adorer avec ta tête non couverte. Tu dois mettre un foulard. So if you don't come with a scarf, it's almost as if you are doing something wrong. Alors si tu ne viens pas avec un foulard, c'est comme si tu faisais quelque chose de mal. But you don't know why. Et tu ne sais pas pourquoi. They are saying what they are saying, or we are saying what we are saying. Tu ne sais pas pourquoi ils disent ce qu'ils disent et pourquoi nous disons ce que nous disons. Amen. Amen. So we need to know God for ourselves. Nous devons connaître Dieu pour nous-mêmes. Read the scriptures for ourselves. Lire les versets pour nous-mêmes. See the fruits for ourselves. Voir les fruits pour nous-mêmes. Amen. Amen. And not just depend on what people say. Nous ne devons pas seulement compter sur ce que disent les gens. If we depended on what people said, many of us would not be in church. Parce que s'il fallait compter sur ce que disent les gens, plusieurs d'entre nous ne seraient pas à l'église. We have heard so many things about pastors. Nous avons entendu tellement de choses sur les pasteurs. None of us should be in church. À tel point que personne d'entre nous ne devrait être à l'église. We have heard so many things about Lighthouse. Nous avons entendu tellement de choses sur Lighthouse. So normally you shouldn't even be here. Normalement, vous ne deviez, vous ne devriez pas être ici. You went beyond what you heard. Mais parce que vous êtes allé au-delà de ce que vous avez entendu. To find out for yourself. Pour découvrir de vous-même. You have been able to receive. Vous avez été capable. Vous êtes devenu capable. To receive de recevoir from this ministry. De ce ministère. But some people have not been able to receive. Mais certaines personnes n'ont pas pu recevoir. Amen. Amen. So you need to know God for yourself. Vous devez connaître Dieu pour vous-même. And allow God to speak to you. Et permettez à Dieu de vous parler. Hallelujah. Hallelujah. Instead of following what people say. Au lieu de suivre ce que disent les gens. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Okay, next one. Le point suivant. You want to walk in a manner that's worthy. You must be strong spiritually. Si vous voulez marcher d'une manière digne, vous devez être spirituellement fort. Amen. Amen. The Bible says in Jude verse 20 that we must build up ourselves. Amen. La Bible dit en Jude verset 20 que nous devons nous édifier nous-mêmes. How do you do that? Comment est-ce que nous le faisons? Through prayer. Au travers de la prière. Amen. Amen. You must be strong spiritually. Vous devez être spirituellement fort. Otherwise you will not be able to stand. Sinon, vous ne pourrez pas tenir ferme. Amen. Amen. We're not talking about physical strength. Nous ne parlons pas de la force physique. You can be strong physically, go to the gym, do jogging, eat well. Vous pouvez être physiquement fort, bien manger, aller faire du sport. But you can easily be weak spiritually. Vous pouvez être facilement faible spirituellement. Alléluia. Alléluia. So it's important to be strong spiritually. C'est important d'être spirituellement fort. If you want to walk with God. Si vous voulez marcher and you avec want to Dieu, succeed in your walk with God. Et vous voulez réussir dans votre marche avec Amen. Dieu. Amen. Pray a lot. Priez beaucoup. But also read your Bible a lot. Lisez aussi beaucoup votre Bible. Amen. Amen. Read your Bible and meditate in it. Lisez votre Bible et méditez-la. The Bible is not a storybook. La Bible n'est pas un livre d'histoire. It's not a story. It's not a roman. Ce n'est pas un roman. Amen. Amen. It's not a storybook where the boy meets the girl and then they fall in love. C'est pas un roman où and then le garçon they go into the sunset. Le garçon rencontre la fille, il tombe amoureux et ils vont vers le coucher du soleil. It is a book for instruction, for doctrine, for reproof, for correction. C'est un livre Amen. Pour l'instruction, pour la doctrine, pour la correction et pour la conviction. Hallelujah. Hallelujah. So you need to read it and allow it to do its work. Nous devons lire la parole et la laisser faire son œuvre. That is the only way you will be strong. C'est la seule manière par laquelle vous pouvez devenir fort. You will not be strong when I preach to you. Vous ne deviendrez pas fort quand je vous prêche. I can tell you that. Je peux vous le dire. Do you believe me? Est-ce que vous me croyez? Because a lot of you have been hearing me preach for a long time. Parce que plusieurs d'entre vous m'avez entendu parler But depuis you are longtemps. Still weak. Mais vous êtes toujours faible. Spiritually. Spirituellement. You will only be strong if you read the Bible for yourself. Vous serez seulement fort si vous lisez la Bible pour vous-même. You meditate in it for yourself. Vous la méditez pour vous-même. Amen. And allow Amen. The word of God to minister and to reach those parts. Et permettez à la parole de Dieu de toucher that ces endroits you have closed up. Que vous avez fermés. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? It's important. C'est important. Before you can walk in a manner that's worthy. Afin de marcher d'une manière digne. You must have the word of God in you. You must have the word of God in you. Vous devez avoir la parole de Dieu en vous. Amen. Amen. The word of God must be in you. La parole de Dieu doit être en vous. That means as you read it, you meditate on it. Ce qui veut dire que quand vous la lisez, vous la méditez. So that when you are in front of a certain situation, afin que quand vous êtes face à une certaine situation, you would have a word in you that would help you. Vous aurez une parole en vous qui vous aidera. Amen. Amen. You are seeing my secrets. Amen. Amen. A word that will help you. Une parole qui va t'aider. When you cannot reach your neighbor. Quand tu ne peux pas aller vers ton voisin. When it's past midnight, you cannot call anybody. Quand il est minuit passé, tu ne peux appeler personne. The word of God in you La parole help de Dieu you. En toi devrait t'aider. Amen. That Amen. Is what will help you to be strong. C'est ce qui va t'aider à être fort. Amen. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes Even avec if moi? You hear a word si in the preaching, si vous écoutez une parole dans une prédication, take note of it and meditate on that word. Prenez note et méditez sur cette parole. God to use that word to heal you and to strengthen you. Permettez à Dieu d'utiliser cette parole pour vous guérir et vous fortifier. You cannot always depend on a human being to strengthen you. Vous ne pouvez pas toujours compter sur un être humain pour vous fortifier. Hallelujah. Hallelujah. You need to walk in a manner that's worthy. Vous devez marcher d'une manière digne. By being stronger. En étant plus spiritually. Fort. Spirituellement. Amen. Amen. Pray more. Priez plus. Read your Bible more. Lisez encore plus votre Spend Bible. More time just in the presence of God. Passez plus de temps dans la présence de Listening Dieu. To spiritual music. Écoutez de la musique spirituelle. Hallelujah. Hallelujah. It will help you. Ça vous aidera. Amen. Amen. Next one. Le point suivant. To be worthy, to walk worthy, you must be steadfast. Pour marcher d'une manière digne, vous devez être ferme. Amen. Amen. Steadfast means you are not easily moved. Être ferme signifie que vous n'êtes pas facilement. You are stable. Inébranlable. Vous êtes Amen. Stable. Amen. Amen. Amen. Amen. You must be stable. Vous devez être stable. Because things will come to push you around. Parce que les choses viendront pour vous pousser. Amen. Amen. I was braiding my daughter's hair. I was plaiting her hair. J'étais en train de faire les cheveux de ma fille. And anytime if you do cornrow, when you are pulling the hair, when si vous faites des nattes alors que vous tirez les cheveux, and the person is letting the person's head is following you, et la tête de la personne vous suit, it's very difficult. C'est très difficile to braid, de to plait. Natter. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? You expect the person to be steadfast. Vous attendez à ce que la personne soit ferme, so that you can braid easily, afin de tresser facilement. Amen. Amen. Situations will come in your life to move you around. Les situations viendront dans votre vie to pour vous push secouer, you around. Pour vous pousser. And if you are not steadfast, si vous n'êtes pas ferme, you find yourself one day you are here, next day you are here, the following day you are here, the following. That's why you vous have people changing. Vous d'endroit en endroit, like, jour après jour. That's why you have people changing churches, like they change their trousers. C'est la raison pour laquelle les gens changent d'église comme ils changent leurs pantalons. Because they're not stable. Parce qu'ils ne sont pas fermes. They're not stable. Ils ne sont pas stables. So, lady pastor, because here the church they did something I didn't like, and here the people were doing this and I didn't like. You will be moving from one place to the other without any roots. Vous irez d'endroit en endroit sans racines. I can assure you that there is no perfect church. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'église parfaite. The day you find it, you tell me. Le jour que vous la trouverez, dites-le-moi. The only problem is the day you enter that church, it is no longer perfect. Le seul problème c'est que le jour où vous rentrez dans cette église, elle n'est plus parfaite. Amen. Amen. So the key rather is to be stable in God. La clé c'est d'être stable en Dieu. Of course, if the church is preaching false doctrines, I'll be the first person to tell you to leave. Évidemment, si dans l'église on prêche une fausse doctrine, je serai la première personne à vous dire de quitter. Even Paul said, he said, follow me as I follow Christ. Même Paul a dit, suivez-moi aussi longtemps que je suis Christ. So of course you need wisdom. Premièrement, vous avez besoin de la sagesse. But I'm saying that you need a certain kind of stability. Je dis que vous avez besoin d'une certaine stabilité in your life if you want to grow and dans votre to vie do things well in si Christ. Vous voulez croître et faire des, bien faire les choses en Christ. Amen. Amen. There are many things that can take your attention. Il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer votre attention. And will distract you from serving God. Qui peuvent vous distraire et vous empêcher de servir Dieu. Your education, vos études. Your friends, vos amis. Your future plans, vos projets. When you start working, your work, votre travail. Your family, votre famille. If you marry a prison warden. You prison officer, you can easily be taken away from the work of God. Si vous mariez avec une gardienne de prison, vous pouvez être facilement enlevé de l'œuvre de Dieu. How many know what I'm talking about? Combien d'entre vous comprennent ce dont je parle? Most of you are lost. Certains d'entre vous sont perdus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Colossians 1:10-11. All right, and the next one. Le point suivant. With joy, when you walk with the Lord, You must walk in a manner that's worthy, but with joy. With joy. Nous marchons d'une manière digne, avec joie. A lot of us Christians are not happy. Plusieurs d'entre nous, les chrétiens, nous ne sommes pas heureux. We're not happy. Nous ne sommes pas joyeux. And I think we're not happy because we've not understood. Je crois que nous ne sommes pas contents parce que nous n'avons pas encore compris. We are looking at our lives in terms of physical things. Nous regardons notre vie en termes de choses physiques. You were happier when you were in the world. Tu étais plus heureux quand tu étais dans le monde. When you were in the world, we used to see you. Oh, you were happy. Quand tu étais dans le monde, on te voyait, tu étais heureux. When you came to Christ, quand tu es venu en Christ, it's as if somebody took your joy away. C'est comme si quelqu'un a pris ta it's joie. As if somebody has punished you. C'est comme si quelqu'un t'avait puni. Has put you in prison. Comme si quelqu'un t'avait mis en has prison. Cut your wings. Comme si quelqu'un avait coupé tes ailes. And you can't fly anymore. Et tu ne peux plus voler. You are not free again. Tu n'es plus libre. Too many controls. Il y a trop de contrôles. So you've lost your joy. Tu as perdu ta joie. It's a shame. It's a pity. C'est une honte. Amen. Amen. C'est dommage. C'est dommage. Yeah. Because being in Christ is the greatest opportunity. Parce que être en Christ, blessing, c'est la plus grande opportunité that you and I could ever have. Que toi et moi nous puissions avoir. That is our way to heaven. Ça c'est notre chemin vers le ciel. That is our way to eternal life. Ça c'est notre chemin vers that la vie éternelle. That is the only way that we'll go to heaven and be in a mansion. C'est la seule manière par laquelle nous devons aller au ciel. That's the way we can inherit the promises of God. C'est la voie par laquelle nous devons hériter les promesses de Dieu. But we are not walking in joy. Why? Because we are looking at the physical things. Nous ne marchons pas dans la joie parce que nous cherchons les choses physiques. If I was going out with James Bond, by now I would have a car. Si je sortais avec James Bond, j'aurais déjà eu une voiture. But because I can't go out with James Bond anymore, look at me walking. Et parce que je ne peux plus sortir avec James Bond, regarde comment je marche. If I was walking with Peter Bond, si j'étais avec Peter cousin, Bond, I would have an iPad by now. J'aurais déjà eu un iPad. iPhone 5. Un iPhone 5. But look at me. Regarde-moi. I'm still holding my Nokia. J'ai toujours mon Nokia. 3310. 3210. I cannot even take pictures. Je ne peux même pas prendre des photos. So my joy has gone. Alors ma joie est partie. Look, the Bible says it is better for you to enter heaven with one eye la Bible or dit one hand. Il est mieux pour toi d'entrer au ciel à manchot ou borne than to go to heaven with your to go to hell with your two hands, two feet and two eyes. Que d'aller en enfer avec tes deux pieds, tes deux mains et tes deux somebody yeux. Said, Lady Pastor, I want to marry. Not quelqu'un Lady a dit, Pastor, not me. Lady Pastor, je veux me marier. Lady Reverend Adley, I want to marry. Je veux me marier. Said, don't marry this guy. Elle a dit, ne te marie pas à cet homme. He smokes weed. Il fume le chanvre. He's not stable. Il n'est pas stable. Say, Lady Pastor, I would prefer to be married to the devil than to be not married. Et elle a dit, Lady Pastor, je préfère être mariée au diable que de ne pas être mariée. What a shock! Quel choc! I would rather be married to the devil than to be not married. Elle a dit, je préfère être mariée au diable que de ne pas être mariée. Because you feel that not being married is a punishment or is something that will take away your joy. Parce que tu penses que le fait de ne pas être marié, c'est une punition ou quelque chose qui va enlever ta joie. After she married, après être mariée, she realized that it was not as easy. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas si facile. He actually has a garden of chanvre that he's growing personally. Il a un jardin personnel de chanvre. And he sells it to people. Et il le vend aux gens. I know people who refuse to listen to advice. Je connais des personnes marriage. Qui ont refusé d'écouter les conseils concernant le mariage. Don't marry this guy. Ne te marie pas à Don't cet homme. Marry this guy. Ne te marie pas à oh, cet homme. Lady Pastor, he's given his life to Christ. Oh, Lady Pastor, il a donné sa vie à Christ. Because one day you invited him to church and when they said if you want to give your life to Jesus, come forward and he came forward. Parce qu'un jour tu l'as invité à l'église, on a demandé qui veut donner sa vie à Christ, il est venu. They said, oh, Lady Pastor, he gave his life to Christ. Tu as dit, oh, Lady Pastor, il a donné sa vie à Christ. After they married. Après le mariage. He never came to church again. Il n'est plus jamais venu à l'église. Never, never, never. Jamais, jamais, jamais. That's the truth because we think that we are being deprived from something. C'est la vérité parce que nous pensons que nous sommes privés de quelque chose. That's why we prefer to be in the world. C'est la raison pour laquelle tu préfères rester dans le monde. Enjoying. Te réjouir. The Bible says calls those things temporary things. La Bible appelle ces choses des choses temporaires. Temporary. Des choses temporaires. Things that will not last. Des choses qui ne vont pas demeurer. They will not last. Elles ne vont pas demeurer. And things that are temporary are not worth investing in. Et les choses temporaires ne sont pas dignes d'investissement. You are all renting accommodation. Vous louez tous des maisons. Imagine if your Western Union came. Imaginez si votre Western Union arrivait. Your parents sent you money for school fees. Vos parents vous envoient de l'argent pour les frais de scolarité. And you say you want to make your room nice. Et vous dites je veux rendre ma chambre jolie. So you use all your money. Vous utilisez tout votre argent. To do the floor carreaux, on dit carreaux ou carreaux. Mettre des carreaux au sol. You go to the bathroom, you put carreaux. Tu vas dans la salle de bain, tu mets you les carreaux. You go and change the sink tu in the kitchen. Tu vas changer l'évier à la cuisine. You put in a water tank. Tu mets un réservoir d'eau. What else do you do? Air condition. Tu mets le climatiseur. What? Hein? Computer. Plasma. No, those things you can even sell it when you are going. I'm talking about you do what? Hot water heater. Tu mets le chauffe-eau. Because you want to be comfortable for your next 1 year in Ghana. Est-ce que tu veux être confortable pour tes un Does an it Ghana? Make sense to you? Est-ce que ça a un sens? When you leave, are you going to take the carreaux with you? Quand tu vas partir, est-ce que tu vas prendre les carreaux avec toi? Take away. Est-ce que tu vas emporter? Are you going to take the sink with you? Est-ce que tu vas emporter l'évier? But we are doing the same thing. Mais nous faisons les mêmes choses. Investing so much in this temporary world that we are living in. Nous investissons tellement dans ce monde temporaire où nous vivons. Forgetting about the permanent one that's waiting for us. En oubliant les choses permanentes qui nous attendent. We spend so much time on our physical. Nous passons beaucoup de temps sur les choses physiques. And so little time on our spiritual. Et peu de temps sur le côté spirituel. That's why we are not walking in joy. C'est la raison pour laquelle nous ne marchons pas dans la joie. We are losing out. We are not taking advantage. Or God is cheating us somehow. Parce que nous pensons que nous perdons et que Dieu nous triche. God is cheating us somehow. Que Dieu nous triche. Look at how the people in the world are enjoying. Regardez toutes les personnes dans le monde qui se réjouissent. Look at how they are happy. Regardez comment ils sont heureux. And look at me. Et regardez-moi. Look at me. Regardez-moi. Yeah, that's how most of us think. C'est ce que plusieurs pensent. And it's unfortunate. Et c'est malheureux. Amen. Because Amen. That takes our joy away. Et ces choses-là emportent notre joie. Hallelujah. Hallelujah. But if you have your eyes fixed, si tu as on tes the yeux price, fixés sur le prix, you'll be happy to be walking on this road. Tu seras heureux de marcher sur cette voie. You'll be happy to be on this road. Tu seras heureux d'être sur cette voie. To suffer a little in this temporary earth. Souffrir juste un peu sur cette terre temporaire. To obtain the physical blessings. Pour obtenir les bénédictions spirituelles. The spiritual blessings. Pour obtenir les bénédictions spirituelles. Amen. That will last forever. Qui vont demeurer à jamais. Amen. Amen. If you can't get your mind around that, you'll never be happy as a Christian. Si tes pensées ne peuvent pas être sur ces choses, tu ne seras pas heureux en tant que chrétien. Nice houses, nice cars. De jolies maisons et de jolies voitures. Those are just additional blessings. Ces choses sont seulement des bénédictions additionnées. But they are not the actual blessings. Mais elles ne sont pas les vraies choses, the les vraies actual bénédictions. Blessing is eternal life with Jesus Christ. La vraie bénédiction, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. That is what should motivate you to go forward. C'est ce qui devrait te motiver à avancer. That is what should convince you that you should be happy. C'est ce qui devrait te convaincre à être heureux. Amen. Amen. That is what should be your motivation. C'est ce qui devrait être ta motivation. Amen. But of course, if you follow after temporary things, you'll never be happy. Évidemment, si tu suis les choses temporaires, tu ne seras jamais heureux. Why does she have an iPad and I don't? Pourquoi est-ce qu'elle a un iPad et moi je n'ai pas? You'll not be happy. Tu ne seras pas heureux. Why does she have internet in her house and I don't? Pourquoi est-ce qu'elle a internet dans sa maison et moi pas? How come every month they send her money and they don't send me money? Pourquoi est-ce que chaque mois on lui envoie de l'argent et moi pas? How come? Why? Pourquoi? Comment? It's not fair. C'est pas normal. C'est pas. God, c'est pas. Since juste. Depuis que j'ai commencé à marcher avec toi, Seigneur, ma vie est bizarre. That's how most of us think. And that's why most of us are not happy. C'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous ne sont pas heureux. Amen. Amen. Amen. Yeah. Because we've taken our eyes off the prize. Parce que nous avons enlevé nos yeux du prix. Hallelujah. Hallelujah. But to walk in a manner that's worthy, you must recognize that God has done something for you. Pour marcher d'une manière digne, vous devez reconnaître que Dieu a fait quelque chose pour vous. Amen. Amen. And you should not even have a desire to go back into the world. Nous ne devrions même pas avoir le désir de repartir dans le monde. It should not attract you in the least. It should not attract you at all. Ça ne devrait même pas vous attirer. You should not even. You should not. It's like if you give a child toffee, a lot of toffee. Si vous donnez beaucoup de bonbons à un enfant. And they eat. Et il mange et mange encore. At a point, even when you look at it, you'll be disgusted. À un moment, quand tu vas regarder cela, tu Isn't seras dégoûté. If you like what? What do you like? What is your favorite food? Quel est ton plat préféré? Aloko. They give aloko. You a gallon of aloko. They fried aloko up to here. On te donne de l'aloko frite jusqu'ici. After you've eaten, at a point you even want to vomit. Après avoir mangé en grande quantité, à un point When tu voudras vomir. Hey Marina, brought you some aloko. You say please. Quand on dira, oh Marina, je t'ai apporté de l'aloko, tu diras non. That is how the world should look to you. C'est comme ça que tu devrais regarder le monde. It's like the world, me, the world. No. Tu vas dire le monde, moi, non. For my past experiences, I've seen that this thing it doesn't have anything for me. De mes expériences passées, j'ai vu que cette chose n'a rien pour moi. No, but we are the opposite. Mais nous sommes l'opposé. You say the world, you say oh, the world. Eh? So what are they doing? What are they doing in the world? Quand on dit le monde, tu dis le monde. Qu'est-ce qu'ils font dans le monde? They are enjoying, oh. Look at them, they are enjoying. Oh. Ils se réjouissent, oh. Regarde-les. You are missing the world. Le monde te manque. Yeah, tell the truth. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. You are missing the world. Le monde te manque. You are missing your parties. Tes fêtes te manquent. You are missing your bottle of one thought one in once in a while. Ton verre de boisson te manque. You are missing your boyfriend and your girlfriend. Ton petit ami ou ta petite amie te manque. Yeah. Oui. You are missing those midnight rendezvous. Les petits rendez-vous de minuit te manquent. That is why you cannot be happy in Christ. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être heureux en Christ. That is the truth behind your misery and why you are not happy. C'est la vérité de ta misère et la raison pour laquelle tu n'es pas heureux. That is the real reason why you are not happy. C'est la raison principale pour laquelle tu n'es pas heureux. Hallelujah. Hallelujah. And it's unfortunate. Et c'est malheureux. It's unfortunate. When I was talking about the parties and look how you're all smiling and happy. C'est malheureux quand je parlais des fêtes. When I was talking about walking worthy, your faces were long. You were looking so miserable. Some of you were sleeping. Quand je parlais des fêtes, vous étiez tout joyeux, mais quand je parlais de la vie éternelle, vos visages étaient longs et vous aviez sommeil. I started talking about parties. Quand j'ai commencé à parler des fêtes, your mind went back. It's like, whoosh, ash, tes pensées sont reparties et tu as dit ouh. That is why, God forbid, but most of us will backslide. That is why most of us. Que Dieu vous en préserve, mais c'est la raison pour laquelle la plupart will backslide. Va rétrograder. By the time you are 40, quand vous aurez 40 ans, you say that, oh, I used to be in it. Oh, I used to pray a lot. Vous direz, je priais beaucoup. I used to be in the choir. J'étais à la chorale. You look at young people serving and say, oh, I used to do this. Vous regardez comment les jeunes servent Dieu. Vous dites, oh, the ça, only je reason faisais ça. Why in 10, 20 years you will not be serving the Lord is because the world is still in you. La seule raison pour laquelle dans 10 ans ou 20 ans tu ne seras pas en train de servir Dieu, c'est parce que le monde est encore en toi. And you miss the world. Et le monde te manque. And it's unfortunate. Et c'est malheureux. Because you have not understood what God has done for you. Parce que tu n'as pas encore compris ce que Dieu a fait pour toi. That's why at every little opportunity, you backslide a little. C'est la raison pour laquelle à toute petite opportunité, tu rétrogrades un peu. The world is still in you. Le monde est encore and en toi. And until we get to the point where we can sacrifice that aspect, die to that side of our lives. Nous devons arriver à un niveau où nous devons sacrifier cet aspect, mourir dans ce domaine de notre vie. We'll never be happy. Nous ne serons pas contents si nous n'y arrivons pas. Amen. Amen. When you have your eyes fixed on the cross, mais quand vous avez les yeux fixés sur la croix, and you see the end, the victory, et vous voyez la fin, la victoire, when you see yourself in heaven, imagine how it will be. Quand vous voyez au ciel et vous imaginez comment ça sera, gold, en train de marcher sur les rues pavées d'or, there will be no suffering, no hunger, il n'y aura no pas pain, de souffrance, pas de faim, pas de douleur. Oh. Oh. That should motivate you. Cela devrait te motiver to walk worthy. À marcher d'une manière digne. Amen. Amen. See, your faces have changed again. Vos visages ont encore changé. Amen. Amen. Yeah. The next thing, le point to suivant, walk worthy, you must learn to give thanks. Vous devez apprendre à rendre grâce. Hallelujah. Hallelujah. You must learn to give thanks. Vous devez apprendre à when rendre you grâce. Are grateful, quand vous êtes reconnaissant, you find something to be happy about. Vous trouvez une raison d'être heureux. Yeah. It's when you don't see what there is to be happy, what there is to be grateful for, you will not be happy. Quand vous ne voyez pas ce pourquoi vous devez être reconnaissant, vous ne serez pas content. If you have never seen somebody who is sick, si vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est malade, sick, malade, they cannot get up from bed, où la personne ne peut pas se lever du lit, they cannot eat themselves, ils ne peuvent pas manger eux-mêmes, they cannot bath themselves, ils ne peuvent pas se laver eux-mêmes. Not old people or young people. Pas des vieilles personnes, mais des jeunes. If you have never seen it, si tu n'as pas encore vu ça, you will not be grateful when you get out of the bed in the morning and you stretch like this. Tu ne seras pas reconnaissant quand tu te lèves du lit du matin et tu t'étires. You will not realize that even to be able to stretch is something to be grateful for. Tu ne réaliseras pas que même le fait de s'étirer, c'est une raison d'être heureux, d'être reconnaissant. I was watching a documentary just before coming to church about Sierra Leone. Je regardais un documentaire sur la Sierra Leone avant de venir à l'église. There was a woman who was in a wheelchair, no legs. Une femme qui était sur le fauteuil roulant sans jambes. And they were interviewing her. Et on l'interviewait. And she said when the rebels came to her town. Et elle disait que quand les rebelles sont venus dans sa she ville. She was trying to run away. Elle essayait de fuir. And she fell into a gutter. Et elle est tombée dans un caniveau. That wasn't deep. Qui n'était pas profond. So the rebels came with a machete. Les rebelles sont venus avec la machette. They said, "You want to run away, eh?" Ils ont dit, tu veux fuir, hein? And they started cutting. They just took the machete and ils ont cut juste her pris legs. La machette et ils ont coupé les jambes. Just cut her legs like that. Ils ont commencé à couper. No anesthesia. Sans anesthésie. No sanitation, no sterilization. Pas de stérilisation. Nothing. Rien du tout. They left her there to bleed. She ils l'ont laissé die. Là en train de saigner. You, the last time you fell in a gutter, you were so annoyed. Toi, la dernière fois que tu es tombé dans un caniveau, tu étais tellement énervé. But you didn't realize that you could just get up and walk off. Et tu n'as même pas réalisé que tu pouvais juste te lever et partir. And you didn't spend time to thank God, like, oh, thank God, I can get up from this gutter and walk. Et tu n'as pas rendu grâce à Dieu parce que tu pouvais te lever du caniveau et repartir. When was the last time you thank God that oh my two legs are working? Quelle était la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour le fait que tes deux jambes fonctionnent? When was the last time you woke up and you realized you can still see? Oh, thank God. Quelle était la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu parce que tu t'es levé le matin et tu pouvais voir? When was the last time you thank God just because you even had your hand was working, you could bat yourself? Quelle était la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu parce que ta main fonctionnait et tu pouvais prendre ta douche nobody toi-même. Has to carry you to go and bath you. Personne n'avait eu à te soulever pour aller te laver. When was the last time you thank God? Quelle était la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu? When was the last time? Quelle était la dernière thankful. Fois? That's why you're not happy. Tu n'es pas reconnaissant, c'est pourquoi tu n'es pas heureux. It's a revelation. C'est une révélation. You are not grateful for what you have. That's why you are not happy. Tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas heureux. I remember once Bishop said something. He said everybody must try and visit a mortuary once in their life. Une fois l'évêque a dit chaque personne devrait faire un tour à la morgue juste une fois dans sa vie. When you see, I don't know if in your country is the same way, but when you see human beings, quand vous voyez les êtres humains being treated like meat, être traités comme de la viande. When they put a taxi driver on top of a prime minister, then they put un chauffeur de taxi sur un premier ministre. Miss Malaika on top of the taxi driver. Et on met Miss Malaika sur le chauffeur de taxi. And the taxi driver's foot is in Miss Malaika's mouth. Et la jambe du chauffeur de taxi est dans la bouche and the de hand Miss Malaika. Of the prime minister is on Miss Malaika's chest. Et la main du premier ministre est sur la poitrine de Miss Malaika. Everybody is naked like a banana. Tout le monde est nu comme une banane. You see that human beings, we are nothing. Vous verrez que nous, les êtres humains, nous ne sommes rien. We are nothing. Nous ne sommes rien. You are so proud. Tu es tellement orgueilleux. Nobody can sit next to you and touch you by mistake. Personne ne peut s'asseoir près de toi et te toucher par erreur. Wait till you die. Attends jusqu'au jour de ta mort. You see who will be touching you. Et tu verras qui sera en train de te toucher. Learn to be grateful for the little things. Apprends à être reconnaissant pour les petites choses. I'm saying something important. If you only you listen to it. D'important. If only you listen to it. That God has preserved you. Dieu t'a préservé. Yeah. He has preserved you, so you need to be grateful. Et tu devrais être reconnaissant. You'll be happy. Et quand tu es reconnaissant, tu seras heureux. You find something to be happy about. Tu trouveras une raison d'être heureux. Amen. Amen. We are trying to walk worthy. Nous essayons de marcher de manière digne. Amen. Amen. And the next one, before we close, I know it's time. Le point suivant. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verse 1. Verset 1. 2 Corinthians 4 verse 1. 2 Corinthiens 4, 1. Yeah. Don't lose heart. That's the next point. If you want to walk worthy, do not lose heart. Si tu veux marcher de manière digne, ne perds pas courage. Amen. Amen. Don't lose heart. Ne perds pas courage. There are many things that will happen to discourage you. Il y a plusieurs choses qui arriveront pour te décourager. Many things. Beaucoup de choses. As you are walking with God, you expect everything to be smooth. Alors que tu marches avec Dieu, tu t'attends à ce que les choses soient bien. How many know that your walk with God can never be smooth? Combien savent que votre marche avec Dieu ne sera jamais parfaite? Amen. Amen. But the Bible says that we should walk. We have a ministry in Christ, but we should not lose heart. La Bible dit que nous ne devons pas perdre courage. Amen. Amen. This is our ministry. Ça, c'est notre ministère. This is the life we have chosen. C'est la vie que nous avons choisie. Hallelujah. Hallelujah. So when you are serving God and things don't go your way, don't lose heart. Alors quand tu sers Dieu et que les choses ne marchent pas comme tu veux, ne perds pas courage. You are working hard, you are trying your best. Tu fais de ton mieux, tu travailles dur. And it looks like things are still not working for you. Et les choses ne marchent toujours pas pour toi. Don't lose heart. Ne perds pas courage. Hallelujah. Hallelujah. Don't lose heart because God is with you. Parce que Dieu est avec toi. He has promised that he will never leave you nor forsake you. Il a promis de ne jamais te laisser, ne jamais t'abandonner. And he is keeping his word. Et il garde sa parole. Hallelujah. Hallelujah. So it's up to you not to be discouraged. Jesus Christ could have been discouraged when he was going up the 40-day fast. Jésus aurait pu être découragé alors qu'il allait pour les 40 jours de jeûne. And knowing that Satan was about to tempt him, en sachant que Satan était sur le point de le tenter, he could have been discouraged. Il pouvait être découragé. When he was in the Garden of Gethsemane praying and knowing that his prayer was not going to be answered, quand il était dans le jardin de Gethsemane, il priait, il savait que sa prière ne devait pas être répondue. Il pouvait être découragé. When he went in front of Pilate and Pilate said, "Should I release Jesus or Barabbas?" and they said, "Barabbas." Quand il est allé devant Pilate et Pilate a demandé, devrais-je libérer Jésus ou Barabbas? Ils ont dit Barabbas. He could have been discouraged. Il aurait pu être découragé en disant, les gens ne m'aiment pas. Everything I want to do for them, they don't know. Tout ce que j'essaie de faire pour eux, ils ne savent pas. He could have been discouraged. Il aurait pu être découragé. But he persevered because he saw the end. Mais il a persévéré parce qu'il a vu la fin. Amen. Amen. You are working for God and not for man. Vous travaillez pour Dieu et pas pour les hommes. You are serving God and not serving man. Vous servez Dieu et pas les hommes. Amen. Amen. are serving God and not serving man. So if man disappoints you, God has not disappointed you. Si l'homme vous déçoit, Dieu ne vous a pas déçu. So why do you abandon him and why do you give up? Alors pourquoi est-ce que vous abandonnez? And why do you lose heart? Et pourquoi est-ce que vous perdez courage? Our God is a faithful God. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Amen. He's a faithful God. C'est un Dieu fidèle. He keeps his promises. Il garde ses promesses. He's not a man that he should lie. Il n'est pas un homme pour mentir. He will do what he says he will. Il fera ce qu'il a dit qu'il It's ferait. Up to us not to lose heart. Et ça dépend de nous de ne pas perdre courage. Amen. Amen. Amen. I believe that we are on the right track. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Amen. Amen. We will not lose heart. Nous n'allons pas perdre courage. We will persevere. Nous allons persévérer. We will go all the way. Nous allons continuer. We will serve the Lord with joy and with gladness. Nous servirons l'Éternel avec we will joie. Persevere to the end. Nous allons persévérer jusqu'à la we will fin. Keep our eyes fixed on the prize. Nous allons garder nos yeux fixés sur le prix. We will not backslide. Nous n'allons pas rétrograder. We will serve the Lord happily. Nous allons servir l'Éternel Even avec from joie. Our youth. Even from our youth. Même dans notre jeunesse. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The world will no longer attract us. Le monde ne nous attirera plus. The world plus. Will no longer pull us. Le monde ne nous tirera plus. We will serve the Lord. Nous servirons l'Éternel. We will serve the Lord. Nous servirons l'Éternel. In 10 years you will find us serving the Lord. Dans 10 ans In nous serons en train de years, servir you find us serving the dans Lord. Dans 20 ans nous servirons l'Éternel. We will persevere till the end. Nous allons persévérer jusqu'à la fin. Only be strong and don't lose heart. Vous devez être fort et ne pas perdre courage. Amen. Amen. And I believe that God is our helper. Et je crois que nous serons aidés. Amen. Amen. I'm tempted to take one more, but I think we will end for today. We'll end for today and continue. We are not in a hurry, or? Nous ne sommes pas pressés, n'est-ce Are you pas? Learning anything from this series? Est-ce que vous apprenez quelque chose de cette série? It's up to you. Amen. Amen. Stand to your feet and Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. We want to just pray tonight. Prions ce soir. We want to just pray. Prions. That God will bring back the joy of our salvation. Afin que Dieu puisse ramener la joie de notre salut. When we got saved, we were so happy. Quand nous avons été sauvés, nous étions tellement heureux. But the issues of life Mais have caused our joy to go. Ont emporté notre joie. Pray that God will bring back that joy. Prie que Dieu ramène cette joie. Pray that you'll be able to see the prize at the end. Prie afin de pouvoir voir le prix de la fin. Pray that you'll be able to keep your eyes on the prize. Prie afin de pouvoir garder les Pray yeux for fixés yourself. Sur le prix. Prie pour toi-même. You know how discouraged you are. Tu connais à quel point tu es découragé. Tell God, God, I don't want to give up. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas abandonner. All the way. Je veux aller jusqu'au bout. I want to be strong. Je veux être fort. I want to be happy. Je veux être heureux. I want to serve you, oh Je veux God. Te servir, Seigneur. I don't want to be discouraged, Je ne veux pas être découragé. I want to see the good side of life. Je veux voir le bon côté de la vie. I don't want to see the world as being better than the church. Je ne veux pas voir le monde comme étant meilleur que l'église. May I have my things in perspective, oh God. Que je puisse avoir mes yeux en perspective. Father, help me, Lord. Aide-moi, Seigneur, to overcome. Afin de surmonter. Pray for yourself tonight. Prie pour toi-même. Pray for yourself tonight. Prie pour toi-même ce soir. You are here with a heavy heart. Si tu as un cœur lourd, you want to just lay your burdens before the Lord. Tu veux juste déposer tes fardeaux devant le Seigneur. God says you should cast your burdens before Him. Le Seigneur dit de se and décharger he will carry devant them lui. For you. Parce qu'il prend soin de nous. Oh God, we thank you that you are there for us. Dieu, nous te disons merci parce que tu you es are là pour our nous. Strength. Tu es notre force. You are my strength, oh God. Tu es ma force, Seigneur. You are my strength, Lord. Tu es ma sœur, ma force, Seigneur. Even when I'm weak, you are strong, Lord. Quand je suis faible, tu es fort, Seigneur. You hold me up when I'm down, Lord. You hold me up when I am down. Seigneur, tu me soulèves quand je suis faible. You are my strength. Tu es ma force. You are my strength, Lord. You are my strength, Lord. Without you, I'm not. Thank you, Jesus. Continue praying. You're praying for yourself. Continue à prier. Prier. Continue to speak to the Lord tonight. Parlez au Seigneur ce soir. It's okay. If you are here tonight and you don't know Jesus as your Lord and Savior, et tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, I want to pray for you. Je veux prier pour toi. You are discouraged. Tu es découragé. You don't know where to turn. Tu ne sais vers où te tourner. Tonight I want to present to you Jesus Christ. Ce soir, je veux te présenter Jésus Christ. He is the one who died for you. Il est celui qui est mort pour He is toi. The one who gives you hope. Il est celui qui te donne He is l'espoir. The one who gives you victory. Il est celui qui te donne Tonight la victoire. He's saying, my son. Ce soir, il dit mon fils. My daughter. Ma fille, I am here for you. Je suis ici pour toi. I'm here to give you hope. Je suis ici pour te donner de l'espoir. I'm here to give you eternal life. Je suis ici pour te donner la vie éternelle. But you have to invite me in. Mais tu dois m'inviter. If you want to say, Lord Jesus, si tu veux dire Seigneur Jésus, please come into my heart. S'il te plaît, viens dans mon cœur. Please change my life. S'il te plaît, change ma vie. Please change my destiny. S'il te plaît, change ma destinée. I want to give you control of my life. Je veux te donner le contrôle de ma vie. You want to say, Father, forgive me for my sins. Tu veux dire, Père, pardonne-moi pour mes péchés. I have sinned against you. J'ai péché contre toi. But tonight, mais ce soir, I want to give you control of my life. Je veux te donner le contrôle Just de ma lift vie. Up your hand. I want to pray with you. Lève ta main, je vais prier pour you toi. Are tired of living life on your own. Tu es fatigué de mener ta vie tonight, toi-même. Jesus wants to come in. Ce soir, Jésus veut and venir. He wants to give you victory. Et il veut te donner la victoire. Just lift up your hand. I want to pray with you tonight. Lève ta main, je vais prier avec toi ce Don't soir. Don't be shy. Ne sois pas gêné. Just lift up your hand. Et lève juste ta main. We will pray together. Nous allons prier ensemble. And you begin a new life with Jesus Christ. Et tu vas commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Lift up Jésus. Your hand tonight. Lève ta main ce soir. Say, Father, I'm a sinner. Dis, Père, je suis un pécheur. But I want to give you control. Mais je veux te donner le contrôle. I want you, Lord, to take over. Je veux que Seigneur, tu prennes le contrôle. I want to start again with you. Je veux recommencer avec toi. Lift up your hand. Lève ta main. Father, in the name of Jesus, I thank you so much that these ones know you. These ones have made a choice to follow you. Father, forgive us our sins. Forgive us for turning back. Help us, O God, overcome the obstacles and help us to press on towards the prize, the higher calling. Father, we are yours. We wish to remain yours forever. Help us, O God, to remain strong. The joy of the Lord is our strength, and we thank you for joy in Jesus' name. Amen. Amen. Put your hands together for the Lord. Acclamez pour le Seigneur. And be seated. Asseyez-vous. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.